Les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. La page Internet du Comité national d'études des essais du Jutsu du Congo démocratique a écrit que le dirigeant suprême coréen a assisté au rassemblement au niveau central consacré au 105e anniversaire de l'instance du président Kim Il-sung. Et la page Internet du Cercle d'études des essais du Jutsu de Basque, Espagne, a rapporté avec cette nouvelle le déroulement de la 5e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée en sa présence. Le journal internet tchèque Prostějovská pravda, les pages internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, du comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme et du comité national d'études des essais du Jutsu du Congo démocratique ont inséré sa visite au palais du soleil de Kumsusan à l'occasion de la journée du soleil. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, le réseau Phoenix de Hong Kong de Chine, le journal thaïlandais Bangkok Post, l'agence de presse Internet de Tchèque Novinky, l'agence de presse britannique Reuters, la radio japonaise NHK, les pages Internet du comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme et du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont traité son assistance à la représentation artistique de la chorale d'État émérite pour les participants à la parade consacrée au 105e anniversaire de l'essence du président Kim Il-sung. Le journal internet tchèque Prostějovská pravda, les pages internet du Cercle d'études des essais du Jutsu de Basque, Espagne et du Comité national d'études des essais du Jutsu du Congo démocratique ont rapporté que la parade et le défilé civil de la ville de Pyongyang consacré au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung se sont déroulés solennellement en présence du dirigeant suprême Kim Jong-un. Et la page internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections a présenté la cérémonie d'inauguration de l'avenue de Myung. Le journal indien Rising Europe, la télévision népalaise Sogor Matin, les pages internet du Cercle d'études des essais du Jutsu de Basque, Espagne et du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont informé de sa direction du concours de descente en parachute et de frappe des cibles des troupes d'opération spéciales de l'armée populaire de Corée 2017. Les mass-médias ont inséré les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un.